Phrase 24. Observation. Discrimination. Lequel? Quel? Quel foulard préférez-vous? Lequel préférez-vous? Remarquez que quel est utilisé avec un nom. Ici, c'est foulard. Quel fonctionne comme un adjectif ou un article. Remarquez que lequel, laquelle, lesquels est utilisé sans nom. Lequel remplace un nom. Lequel fonctionne donc comme un pronom.